Cœur de pierre ou d'artichaut? Timide ou joli cœur? Cet été, vous avez peut-être fait ces tests. Mais avez-vous fait le seul vrai test pour votre cœur? Celui qui évalue votre risque cardiovasculaire sur fedecardio.org. Savoir, c'est pouvoir agir. Et pour diminuer facilement votre risque en réduisant votre stress, retrouvez les conseils du professeur Helft, cardiologue, dans Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie. À retrouver sur toutes les plateformes et sur fedecardio.org. Donc on se revoyait aujourd'hui après l'opération pour l'exérèse des calcifications. Donc, on a bien fait de les retirer parce qu'on a retrouvé un stade tout débutant de cancer. D'accord. C'est du cancer in situ. C'est que ce n'est pas du cancer infiltrant. Ce n'est pas un cancer qui met en jeu votre pronostic vital. D'accord. C'est un cancer qui se soigne à 100% des cas si on fait bien le traitement. Ok ? Comme j'avais pas, c'était pas dans le, enfin, on savait pas encore ce que c'était. Il faut que je reprenne au bloc opératoire pour passer un peu plus au large que ce que j'ai fait, d'accord, pour plus de sécurité. Donc on va organiser ça rapidement. Et la seconde partie du traitement, c'est des rayons, de la radiothérapie. Vous aurez à faire sur environ un mois après l'opération. Et après c'est terminé le traitement. Voilà. Il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a pas d'hormonothérapie. C'est pas un cancer infiltrant, d'accord. Vous pouvez conserver votre sein, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on voit si on peut vous faire la mammographie maintenant. Donc si on aurait laissé traîner, docteur, ça aurait pu être invasif par la suite. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement. Ça. C'est pour ça que c'est bien de faire des mammographies de dépistage. Ça dépiste les cancers à un stade précoce. D'accord. Nous sommes à l'hôpital de La Fontaine, en Seine-Saint-Denis, dans la consultation de Laetitia Gaujal, chirurgienne, gynécologue et sénologue. L'établissement public est situé dans l'une des zones les plus pauvres du pays. 34% des patients sont en situation de grande pauvreté. C'est aussi l'hôpital qui compte le plus de patients sous le régime de l'aide médicale d'État. 12 à 15% dans les services d'oncologie. De nombreux patients arrivent ici à un stade avancé de la maladie, faute d'avoir bénéficié d'un suivi médical régulier. Voilà, donc sur ce petit rapport que je vais donner à votre médecin traitant et à vous, je marque qu'on a découvert sur la pièce opératoire du carcinome canalaire in situ de 10 mm, que la distance entre la berge interne de la pièce et la lésion, elle est de 0,5 mm, ce qui explique pourquoi on fait une reprise au large, et que ça sera suivi d'une radiothérapie. Ok ? Comme ça, votre médecin traitant, il a toutes les infos, et vous aussi. Je vous l'imprime. C'est tout bon ? Est-ce que vous avez des questions ? C'est le mot cancer du sein, mais derrière ce mot, il y a plein de maladies différentes. La vôtre n'est pas grave. On aurait préféré l'éviter, mais on sait la soigner. D'accord. Ok. Et voilà, vos enfants, votre famille, vous leur dites ça. Et ils sont là pour vous soutenir. Hein. C'est oui. Pas vous qui les soutenez. Ouais. Merci. Cancer, la nouvelle ère. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douatte, réalisé par Anne de Pelchin. Épisode 3, la double peine des plus pauvres. Elle est complètement bouleversée. Je l'ai assommée avec le mot cancer. À partir du moment où vous dites cancer à une patiente, elle est assommée, elle entend déjà plus ce que vous dites après. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des traces écrites et que moi je délivre un compte-rendu de la consultation et des documents d'information pour l'intervention. Là, je viens de lui changer sa vie du tout au tout à l'instant T. Mais voilà, elle va voir que ça va rentrer dans l'ordre. Mais c'est sûr qu'elle, elle est complètement bouleversée. Et c'est normal. Là, on voit une patiente en surveillance d'un cancer du sein qu'elle a eu en 2016. À un stade très avancé. Le T4, c'est les tumeurs les plus volumineuses. Elle a eu la mastectomie totale, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Elle a actuellement 48 ans. Donc, quand ça lui est arrivé, elle était jeune. Ok. On va voir ce qu'elle... Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. C'était quand votre dernière mammographie? En février 2022. Donc là, vous en avez refait une? Non, pas encore. Ça peut se venir pour ça. Ah, d'accord. Ouais. Je vais vous la prescrire alors, on se reverra juste après. C'est mieux que je vous vois avec votre mammographie de contrôle que sans. D'accord. Tout va bien, sinon il n'y a pas de problème particulier? Non, ça va. Mais je suis seulement fatiguée des articulations qui me font très mal. L'infodème aussi que j'ai avec le bras gauche qui me fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup même et tout. J'ai vu que vous aviez assez bien une prise en charge diététique. Oui, ça se passe bien ou pas? Ben non, ça se passe pas bien parce que en fait, j'ai suivi ce que la diététicienne m'avait recommandé et tout. Mais je sais pas parce que je grossis. Là, vous êtes à combien de kilos? 117 kilos. Et vous mesurez combien? 1,59 m. D'accord, ouais. Donc ça explique pourquoi vous avez mal aux articulations, malheureusement. D'accord. Ok. Mais je voudrais savoir, avec les médicaments, est-ce que c'est pas les médicaments là aussi qui me font grossir aussi? Non. Je me réveille. Vous pensez que c'était le médicament? Oui, parce que je n'avais pas ça. Et ça va mieux depuis que vous avez arrêté le médicament? Ben oui, ça continue toujours. Hein. Ça me fait d'accord, parce que le matin, le matin, je me réveille difficilement et tout. Si les symptômes, si vos douleurs, elles ne s'améliorent pas alors qu'on a arrêté le médicament, moi, je vous conseille de le reprendre. Parce que ça veut dire qu'il n'y est pour rien dans vos douleurs et qu'il faut qu'on cherche ailleurs. D'accord. Mieux vaut le prendre pour le cancer. D'accord. Et pour l'alimentation, vous mangez... De base, je mange le riz. Vous mangez que du riz? Pas que du riz, mais je change le foie. Ouais. Ouais. Ça, bon, vous savez hein, que c'est bien si on peut manger aussi des légumes. Je mange beaucoup de légumes. Ah, mais c'est bien. Ouais. Ok. Et vous mangez 3 fois par jour? 3 fois par jour. Et le dernier repas, il ne faut pas qu'il soit trop tard le soir. Oui, je sais. Mais là, comme vous je suis... Mais là, c'est seulement ce mois-ci, parce que là, on là, est au mois ramadan. Je fais le ramadan. D'accord. Donc là, c'est particulier, forcément. Ouais. Ok. Bon, très bien. Je vous prescris la mavo et l'écho. D'accord. Je dois savoir, c'est par rapport à mon cancer, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Ou il faut que je voie d'abord le médecin pour qu'il puisse mieux... De risque de quoi? J'ai pas d'autres problèmes qui vont... Avec le cancer. Le risque, c'est toujours la récidive. Hein? D'accord. C'est le fait que le cancer revienne. Uh-huh. Donc, plus on s'éloigne de la prise en charge initiale, plus le risque il diminue. D'accord. Mais ça fait depuis 2016, donc ça fait donc maintenant 7 ans que ça vous est arrivé. Il faut reprendre sa vie. Et puis, je sais que c'est toujours cette pensée qui vous paralyse, mais en fait, il faut essayer d'aller au-delà. C'est pas facile du tout, hein, parce que vous le dites, mais bon, nous qui vivions ça, c'est pas du tout facile. Ouais. Pas du tout. Je ne peux vous pas. Vous avez toujours peur aujourd'hui? Toujours peur. Là, même, je suis comme ça. Même quand j'ai rendez-vous là, j'ai peur. Ok. Est-ce que vous avez un suivi psychologique? On vous a proposé? Oui, quand j'ai été opérée, je me suis fait suivre par. La psychologue? La dame. Elle est toujours là. Hein. Si vous voulez la revoir, vous me dites, je vous prends rendez-vous. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours peur. Je ne sais pas. Mais rendez-vous, j'ai toujours peur. Je ne sais pas pourquoi la peur est toujours là, mais je ne sais pas, j'ai peur. Bon. J'ai trop, trop peur. Il faut que vous repreniez confiance dans la vie, mais tout en faisant bien votre suivi. Donc là, la mammo, elle date d'il y a plus d'un an, donc on le sait qu'il faut faire la mammo tous les ans. Mais c'est sans doute parce que vous avez peur que vous n'allez pas faire la mammo. Non, je vais faire ça, je vais le faire quand même. Très bien. Donc faites la mammo. D'accord. Le rendez-vous pour la chirurgie bariatrique. D'accord. Et on se revoit dans un mois avec les résultats, je vous donne le rendez-vous. D'accord. D'accord, madame. Allô? Vous retravaillez? Oui. J'avais commencé, mais le travail que je faisais ne me permettait pas du tout de continuer. J'ai arrêté. Là, je ne peux pas faire des travaux très durs. C'était quoi votre travail? Je faisais le ménage. Comment je faisais le hôtel, ménage? Hôtel, à l'hôtel, oui. D'accord. Là, j'ai arrêté. J'ai fait... Vous avez arrêté à cause de la maladie? Mais en fait, je ne pouvais pas parce que j'avais mal au bras. C'est l'infodème que j'ai là. Et vous vivez de quoi aujourd'hui? De l'âge. L'allocation adulte handicapé. Je vous fais le petit carton. Comme ça, ça vous laisse le temps de faire la mammo. D'accord. Merci beaucoup. Et essayez de ne pas avoir trop peur. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Au revoir. Bon courage, madame. Merci beaucoup. C'était une patiente qui faisait les traitements qui étaient recommandés. Déjà, c'est pas une patiente qui n'a pas voulu faire les traitements, mais quand elle est arrivée, elle avait attendu déjà le stade ultime pour se présenter, quoi, hein, au niveau du sein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui prend pas soin d'elle à la base, qui écoute pas son corps, voilà, ce qui explique sans doute son poids, le stade avancé de sa maladie. C'est aussi une patiente très précaire. Dans notre hôpital, on faisait, ça commence à un petit peu diminuer le taux, mais 50% de mastectomie totale. il y a 5 ans dans les patients de prise en charge pour cancer du sein, alors que le taux national, c'est 30%. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire que le rapport de la taille des tumeurs par rapport à la taille des seins ne permet pas de conserver le sein. D'accord ? Ça veut dire que les patientes, elles arrivent avec des tumeurs plus grosses que la moyenne nationale ici. Et pourtant, le volume mammaire de nos patientes est plutôt important. Voilà. Donc, les patientes, elles ont peur et parfois la peur paralyse. Donc, au lieu d'aller chez le médecin, elles restent chez elles. Elles attendent que le problème devienne insurmontable pour consulter. L'accès aux soins, on peut se poser aussi cette question, hein, l'accès aux soins, la mammographie, voilà, quand vous parlez pas français pour prendre un rendez-vous médical, c'est pas facile. Déjà, quand vous parlez français et que vous avez tous les numéros de téléphone qu'il faut, c'est parfois la croix à la bannière pour prendre un rendez-vous. Donc voilà, ça peut être une des explications. Mais tout de même, je pense qu'il y a un côté de la peur qui paralyse. Il y a le deuxième côté qui, dans certaines cultures, notamment les cultures africaines, le sein, c'est sacré. Ça, si on touche au sein, on touche à la féminité. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais je veux dire, là-bas, voilà, au Mali, par exemple, j'ai échangé avec un des oncologues maliens il n'y a pas très longtemps. Une femme qu'on opère du sein, son mari... peut ne plus lui adresser la parole. Hein. C'est plus une femme. Voilà. Donc il y a aussi cette culture qui fait que on masque tout problème pour en avoir le moins possible. Aurore Loretti, sociologue. On se rend compte que quand il y a un cancer, on a des délais diagnostiques qui sont assez variables en fonction du milieu social. Et les études montrent qu'il y a un retard au diagnostic dans les classes populaires. C'est-à-dire que ces patients, quand ils arrivent en consultation chirurgicale, où on va lancer le processus diagnostique et puis étiqueter la maladie, ils arrivent souvent avec des lésions qui sont assez avancées. Et ça a des vraies conséquences parce que plus un cancer est avancé, moins on a d'options thérapeutiques à proposer à ces patients. Ça veut dire que donc, dans les classes populaires, dès l'entrée dans la maladie, il y a une perte de chance qui est liée à ce retard au diagnostic. Comment on explique ce phénomène ? Recourir à un médecin, ça suppose d'en ressentir le besoin. Et on sait que le rapport au corps, à la santé et à la médecine ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Dans les classes populaires, on a une certaine dureté au mal. Et donc, on va souvent se soigner par soi-même. Pas mal de recours à l'automédication, attendre que ça passe, attendre un certain temps que la symptomatologie évolue et devienne vraiment handicapante au quotidien avant de se tourner vers un médecin. Et surtout, et ça c'est quelque chose que mes enquêtés disaient beaucoup dans les entretiens, on va pas embêter un médecin pour rien. Alors vous avez plusieurs raisons pour lesquelles ces personnes soit ne consultent pas, soit ne suivent pas les recommandations qui leur sont faites. Daniel Nizri, cancérologue, président de la Ligue nationale contre le cancer. Vous avez déjà la peur. C'est une maladie taboue, c'est une maladie qui est dans l'esprit de tout le monde corrélée à un pronostic très défavorable. Cela fait peur. Deuxièmement, ce qui peut faire peur également, ce sont les conséquences de la maladie, à savoir les conséquences par rapport à la vie familiale, affective, professionnelle, la perte de l'emploi, la mise en difficulté de toute une cellule familiale parce que la personne va devoir être traitée. Ensuite, il y a le sujet de la compréhension de ce qui va leur être proposé. On sait que en dessous un revenu de 1500 euros par mois, nous avons affaire à des populations qui vont être très souvent confrontées à l'absence d'informations, à l'absence de compréhension de ces informations, vont moins adhérer à toutes les stratégies de dépistage organisées, ne vont pas éventuellement adhérer à tous les messages de santé publique. Et puis, il y a un vrai sujet financier. Vous savez sûrement que la prise en charge d'une maladie cancéreuse, comme les autres affections de longue durée, cette prise en charge vous garantit le 100% par l'assurance maladie. Sauf qu'il y a un certain nombre d'actes qui échappent à ce 100%. Par exemple, le forfait hospitalier de 20 euros tous tous les jours. Lorsque vous êtes hospitalisé pour 3 semaines dans un établissement public ou privé d'ailleurs, 3 semaines, 21 jours multipliés par 20 euros, c'est beaucoup d'argent pour le plus grand nombre d'entre nous. Pareil pour un certain nombre d'examens que vous pouvez faire dans le cadre de professionnels liés par la convention avec l'assurance maladie, mais des fois, pour avoir un rendez-vous plus rapide, y compris à l'hôpital, pour aller dans une filière que vous ressentez comme peut-être plus soit sécure, soit de qualité, vous acceptez des dépassements d'honoraires, et cela peut aller très vite. Plus de 14% de la population, au cours d'un parcours de soins, est confrontée à des dépassements qui sont supérieurs à 1 000 euros. Enfin, j'ai évoqué la prise en charge par l'assurance complémentaire, mais 10% de la population sur le territoire national n'a pas cette assurance complémentaire, et donc pour eux, eh bien, ce sont des frais qui s'ajoutent à tout le reste, y compris par exemple au manque à gagner d'une perte d'emploi. Est-ce que potentiellement on assiste à du renoncement aux soins ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, sans caricaturer le département de Seine-Saint-Denis, où il se passe vraiment des choses importantes, mais nous sommes dans un département où il y a plus de 6% d'éligibilité au RSA. Et cette population-là, le fait de rentrer dans un circuit de prise en charge, que ce soit pour la promotion de la santé, la prévention, que ce soit pour le dépistage ou malheureusement pour le soin, c'est un vrai choix. C'est je laisse courir parce que je dois assurer le toit, la sécurité, l'alimentation de ma famille, de mes enfants, ou je prends un risque avec cet équilibre familial. Love with open arms. Love the birds who left to flicker. With open eyes, but feel it in your chest. Consider all the signs. Merci, c'est gentil. Ça, il fallait pas. Ça, il fallait pas. Qu'est-ce que vous m'avez offert? C'est bon, vous faites des folies, hein? Oh là là, super. Je le connais, ce parfum, je l'aime beaucoup. Merci. Elle est très gentille, madame. Vous offrez des cadeaux aux médecins? Non, parce qu'elle m'a, quand elle m'a annoncé ça, elle m'avait dit non, ne vous inquiétez pas, je vais vous guérir. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Ouais, merci. Ouais. Elle m'a dit je vais vous guérir. Et là, c'est le cas. Pour le moment, c'est. Voilà, tout va bien. Donc, comme vous dites, voilà, on surveille. Et surtout, on va agir, on va continuer d'agir. Parce que vous vous souvenez, l'analyse génétique, elle retrouvait quoi? La mutation de BRCA1. Voilà, la mutation génétique qui prédispose au cancer du sein. C'est pour ça que vous l'avez fait si jeune. Et elle, on sait que ça prédispose à d'autres cancers aussi. Hein? Donc on est là pour surveiller très étroitement que ça ne revienne pas au niveau des seins et que ça ne vienne pas au niveau des ovaires. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, on s'était dit qu'on se revoyait pour éventuellement parler de réduction du risque en enlevant les seins et en faisant la reconstruction. Vous êtes d'accord pour qu'on organise ça? Ah oui. Ok. Je vais vous examiner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on parle sur la chirurgie préventive. Très bien. On va regarder. Après, ça. Je vous donne le temps de préparer tout ça. Donc, j'enlève tout. Ouais. Là, au niveau des traitements, vous n'avez plus rien? Non, j'ai rien. Normalement, pour prendre de l'olaparib, d'après Curie, il faut qu'on dépasse 5 ganglions, c'est ça, auxiliaires. Le mien, c'était 1,5. D'accord, très bien, tant mieux. Donc, d'après... Ouais. Donc, la première étape, c'est de faire une réduction mammaire. Deux options. Soit on essaye de conserver l'aréole et le mamelon, mais le risque qui nécrose et grand, parce que comme il y a beaucoup de volume, il va falloir que je remonte beaucoup. D'accord. Vous savez ce que c'est la nécrose? Non. De pourrissement de l'aréole et du mamelon. D'accord. La deuxième solution que je vous propose, qui est plus simple chirurgicalement, mais pour vous, on va voir si vous l'acceptez, c'est de faire une réduction en enlevant l'aréole et le mamelon. Ça vous fait un sein rond, plus petit, plus haut, sans aréole et sans mamelon. Et après, dans un deuxième temps, on fait un tatouage de l'aréole et du mamelon. Mais il n'y aura pas de mamelon, il n'y aura rien du tout. Il y aura un tatouage à la place de l'aréole et du mamelon. Sachant que quand on va faire la mastectomie totale, quand on va vider pour mettre la prothèse à la place, on perd la sensibilité de l'aréole et du mamelon. Je me suis fait comprendre ? Oui, je comprends. Donc vous pouvez. Et tout ça, c'est une technique chirurgicale sûre, enfin la plus sûre possible, avec un résultat esthétique satisfaisant à la fin. D'accord. Vous aurez des photos là du mamelon au tatouage et tout ? Ouais. Rhabillez-vous, je vous montre. C'est la PAM, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la PAM. La PAM, la plaque aréolo-mamelonaire. Voilà, c'est ça, j'ai lu ça. Vous le faites avec quoi ? Des pigments à l'Institut Curie. D'accord. Par les infirmières. C'est pas à la boutique du coin de la rue. Ben non, d'après les photos, c'est bon. Hein. Voilà. Ça m'arrange. D'accord. On va faire un contrôle TEP et IRM avant de commencer tout ça. C'est obligatoire. Ah, mais c'est obligatoire. D'accord, on va faire ça. Parce qu'il faut d'abord s'assurer que la maladie est contrôlée avant de faire tout ça. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de cancer en fait. Et au niveau du ganglion auxiliaire, il n'y a pas de récidive. Vous la connaissez la réponse. Est-ce qu'il y a un risque de récidive? Oui. Voilà. D'accord. Donc il existe toujours ce risque de récidive. Et comment on pourra le savoir là? Et bien avec l'IRM, et l'échomammo, et le TEP scanner. C'est pour ça qu'on répète ces examens pendant votre surveillance. Donc malgré que je fais la chirurgie prophylactique, il y aura toujours un suivi. Voilà, exactement. Il y a une asymétrie avec le médecin qui est d'autant plus forte qu'on fait partie des classes populaires. Et par conséquent, on ose moins poser des questions au médecin. Si on n'a pas compris des choses pendant la consultation, on va moins oser le signaler. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup dites par les enquêtés dans les entretiens. J'ai des enquêtés qui me disent « voilà, je suis sortie de consultation, j'ai absolument rien compris, mais j'ai pas osé le dire ». Et ce qui est intéressant, c'est que ça, par exemple, c'est quelque chose sur quoi les gens agissent avec l'expérience de la maladie aussi. Par exemple, j'ai des enquêtés de classe populaire qui me disent qu'au départ, ils n'osaient absolument pas poser des questions à leur médecin pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, par exemple. Mais avec les récidives, la multiplication des contacts avec le monde médical, finalement, il y a un gain d'expérience qui permet d'oser davantage poser des questions. Donc les choses ne sont pas figées, évidemment, mais... clairement, on n'a pas le même rapport au médecin, on ne va pas se permettre les mêmes choses, on ne va pas, dans les classes moyennes et supérieures, on voit parfois des patients en consultation qui arrivent avec leur liste de questions et qui vont prendre le temps pendant la consultation, à la fin, de poser toutes leurs questions et d'aller au bout de leur liste pour avoir les informations qu'ils souhaitent avoir, même si parfois le médecin va peut-être leur faire sentir qu'il est un peu pressé et qu'il aimerait bien que la consultation se termine. Et effectivement, dans ce cas de figure que vous décrivez, l'assurance sociale réduit en fait la capacité du médecin à se soustraire à la consultation rapidement parce que vous parlez une langue commune. Tout à fait. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Vous venez me voir pourquoi ? En fait, c'est juste un renseignement. C'est juste parce que c'est peut-être mon imagination. Hein. J'ai senti une petite grosseur là, en fait. Ouais, d'accord. Juste là, en fait. C'était pour me renseigner, en fait. Oui, pour qu'on voit pourquoi il y a une masse qui serait apparue dans le sein gauche. Voilà. Pour dire les choses clairement. Exactement. Cette boule, elle est apparue depuis quand ? Ben, j'ai aperçu ça. Ça fait un mois à peu près. Depuis un mois. Est-ce qu'elle grossit, elle reste pareille? Non, elle reste pareille. Hein. Quand je demande aux autres, ils me disent « je ne vois rien ». Donc c'est peut-être mon imagination, je ne sais pas. Ouais. Elle fait mal, elle fait pas mal? Non, ça fait pas mal. Oui. Ok. Il y a des gens que vous connaissez actuellement qui sont malades autour de vous? Non. Non, ok. Eh bien, vous allez enlever le haut, je vais vous examiner. D'accord. Vous n'avez pas réalisé d'échographie ou de mammographie? Si, j'en ai fait une, mais ça fait... Longtemps. Oui. J'enlève mon t-shirt? Bien sûr. Et le soutien-gorge? C'est quoi votre travail? Je suis aide médico-psychologique sur les personnes handicapées et puis du temps avec les personnes âgées. D'accord. Vous pouvez mettre vos bras comme ça. Bon, moi là, je palpe rien de spécial. D'accord. Vous, montrez-moi où est-ce que vous palpez quelque chose. En fait, c'était là, au niveau de là, j'ai senti quelque chose. C'est peut-être une boule de graisse, j'en sais rien. Comme j'ai quand même grossi depuis que je suis ménopausée. Ici? Oui. Oui, vous avez raison. On va faire une échographie. D'accord. Au radiologue, ça sera pareil. Vous lui montrerez bien où c'est. D'accord. Parce que c'est en dehors du sein. D'accord? D'accord. Ok, vous pouvez vous rhabiller. D'accord, merci. Tout est champé et elle dort, la dame, là? Oui, tout à fait. Je viens. Je sais pas comment on peut faire pour que je sois à deux endroits en même temps dans l'hôpital. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patients dans la salle d'attente. Est-ce que on peut échanger? Ouais, si tu veux. T'arrives? Ouais, et quand t'arrives, je pars. Mastectomie partielle UQS droit, 2 fils pour inférieur, 1 fil pour externe. Là, c'est la tumeur qui est partie. Oui, c'est ça. Je vais la mettre dans du formol. Ouais. Et puis on va l'envoyer à l'anapath pour l'étudier. D'accord. Elle a une hypertension, cette dame, dans ses antécédents ou pas? Parfait. Il y a aussi plein de dames qui ne font pas le dépistage parce qu'elles ont peur qu'on leur retire le sein alors qu'elles savent pas que dans 70% des cas, on peut conserver le sein. Là, c'est ce que vous avez fait. Là, c'est ce qu'on fait, on conserve le sein. Et là, c'est une très très grosse tumeur. Oui, je l'ai vue, elle était impressionnante. Mais c'était à la limite de la conservabilité du sein. Et comme la dame, elle a un gros sein par ailleurs, en fait, c'est le rapport de la taille de la tumeur par rapport à la taille du sein qui détermine si on peut conserver le sein ou pas, quoi. Vous avez 5 cm dans un bonnet A, c'est pas pareil que 5 cm dans un bonnet E. Donc là, vous êtes en train de recoudre. Donc là, voilà, je vais restructurer le sein qui est complètement déformé, déstructuré. Pour me donner une forme de sein, il sera juste un peu plus petit et un peu plus haut que celui qu'elle avait avant. Une fois qu'on a le cancer, il y a des études qui montrent que quelle que soit la localisation cancéreuse, à stade de diagnostic équivalent, on aura toujours des chances et des durées de survie moins importantes dans les classes populaires que dans les classes moyennes et supérieures. Et ces différences en termes de survie, elles s'expliquent dans les différences de parcours de maladie, dans le temps long de la maladie. D'ailleurs, on sait qu'en fait, ce sont pour les cancers qui se soignent le mieux qu'on a les inégalités sociales qui sont les plus marquées. Plus le temps de vie avec le cancer est important, plus ces inégalités sont fortes. Ça va se jouer aussi avec la proximité et le niveau qu'on a du coup d'information médicale, ce qu'on appelle beaucoup maintenant la littératie en santé, qui va vraiment faire la différence dans les trajectoires de maladie. Ne serait-ce que de savoir que plus on est pris en charge rapidement, meilleures seront ses chances de survie. Et donc, on va mettre en place des stratégies pour accélérer sa prise en charge. Ça, c'est des choses qu'on observe dans les classes moyennes et supérieures, qu'on observe beaucoup moins dans les classes populaires. On va parfois décrocher son téléphone, utiliser son capital social, appeler un ami médecin ou infirmier pour essayer d'obtenir un rendez-vous plus rapide. Ou on va avoir une plutôt bonne connaissance de l'organisation du système de soins et on va comparer les délais pour obtenir la mammographie, par exemple. Et on va aller là où c'est le plus rapide. En allant aussi demander un deuxième avis. Tout ça cumulé, en fait, ça peut faire la différence. Là où dans les classes populaires, on va davantage s'en remettre à son médecin. C'est une patiente de 40 ans qui a un cancer du sein à un stade avancé, qui était métastatique, qui a laissé ses trois enfants jeunes au pays pour venir se faire soigner en France. Et je la revois parce qu'elle avait une anomalie au niveau de la peau, voir si ça évolue bien. Ça va ? Ça va, docteur, ça va. Merci beaucoup, Jamila. Merci beaucoup. Merci. Il y a la dermatologue qui arrive. Donc ça, c'est parce que je m'entends très bien avec la dermatologue. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une dermatologue qui vient en direct, il n'y en a qu'une sur tout l'hôpital. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'on partage pas mal de patientes. Donc, elle vient là. Comme ça, elle va me dire son avis. Je vais lui dire parce que... C'est partout où j'ai eu les rayons, là. Quand j'ai eu des rayons jusqu'ici, c'est partout où il y a eu des rayons. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi, je vais lui demander, est-ce qu'elle pense qu'il faut que je biopsie ou est-ce qu'elle pense qu'il faut qu'on fasse un autre traitement que ce que je vous ai donné pour voir tout ça. OK ? On attend 5 minutes. Vous pouvez vous... Il n'y a pas de souci. Vous êtes très courageuse. Oui. Quel âge vous avez ? Dites-moi. 40 ans maintenant. Et ça a commencé quand tout ça ? Tout ça a commencé depuis, je dois dire, j'ai commencé les traitements depuis décembre 2020. Ok. Et j'ai suivi un traitement au pays, chez moi au Congo, pendant 9 mois. Ouais. Et voilà, je suivais un traitement avec beaucoup d'assurance que ça devrait fonctionner. Et malheureusement, à ma surprise, le médecin après m'avait dit que tout ce temps-là qu'elle travaillait sur moi, c'était juste pour... elle était en attente d'une molécule qui devrait arriver, mais qui n'était jamais arrivée, entre guillemets. Et donc, voilà, pour moi, il n'y avait rien à faire parce qu'il n'y avait pas la molécule qu'il me fallait pour le traitement au pays. Et puis voilà, c'est comme ça qu'elle m'a dit un jour, un matin, si vous voulez vivre, débrouillez-vous, regardez ce que vous pouvez faire. Et puis un jour, je me suis retrouvée en France. Et finalement, ici en France, on a découvert que ce qu'eux, ils ont vu là-bas comme maladie, ce n'était pas la même chose qu'ici. Et donc, voilà, tout ce que je prenais comme traitement, ça n'avait rien à voir, bien sûr. Et puis voilà, j'ai commencé un traitement ici approprié. C'est vrai que ce n'était pas facile. Arriver avec des métastases, déjà, ça avait commencé à métastaser. Merci. Et Dieu merci que, avec le traitement que j'ai suivi ici, et finalement, on a eu... quand même des bons résultats parce que je suis arrivée jusqu'à l'opération. Je me suis fait opérer en octobre passé et puis voilà. Il y a le dermatologue qui est là. Voilà, je continue mon parcours avec le docteur Goja. Là, juste au bureau là. Je suis stressée avec la peau là. Alors, donc ça vous démange où ? En fait, naturellement, sur toute la zone où j'ai reçu la radiothérapie, la sensibilité est là. Mais non, c'est déjà là, ça a commencé un peu par le bas et puis là, c'est par ici, là. Okay. Ah oui, ah, c'est une peau qui est difficilement surveillée parce que tu vois, il y a des rougeurs. Oui, et... c'est ça. Donc, on a des petits nodules quand même. C'est mieux de faire un petit prélèvement quand même. D'accord. D'accord, docteur. Ah, je stresse avec cette histoire, ça finit. Ouais, ça c'est bien. Mais si, ça va se finir. Du coup, vous allez venir avec moi ? D'accord, docteur. Je vous embarque. Ok. Allez. Merci beaucoup. Merci, Jamila. Allez, de rien. Allez, on y va. On part tout droit. Il est très grave et malheureusement, dès qu'on a contrôlé un endroit dans son corps, il y a un autre endroit qui se réveille. Je ne trouve pas. Donc là, vous avez encore combien de consultations ? J'ai 17 consultes cet après-midi. Et une dame a opéré en fin d'après-midi. Et j'en ai vu à peu près autant ce matin. Salut, ça va ? C'est Laetitia. Je vois une patiente en consultation qui a été prise en charge pour un cancer du col il y a 3 ans maintenant. Et qui là se présente à ma consultation pour une hématurie isolée apparue il y a 3 semaines. Elle a quel âge ? Elle a 37 ans. Et le cancer du col, tu me disais quand ? En 2020. Radio-chimio, curithérapie. Elle n'a pas eu de chirurgie. Ah, elle a peut-être une... Voilà. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était lui prescrire une IRM pelvienne de contrôle, là. Ouais. Et te l'adresser en consultation pour l'hématurie. Ouais, je veux bien. Ok, ça roule. Merci. Bonne journée, salut. Donc ça, c'est typique de la prise en charge cancérologique. C'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc on est sans cesse en train de s'appeler les uns les autres, les radiologues, les oncologues, les médecins nucléaires, les autres chirurgiens, parce que c'est pas monodisciplinaire. Donc ça nécessite une grande facilité de communication. En plus, à l'hôpital de La Fontaine, les patientes, quand elles sont là avec vous en consultation, c'est mieux qu'elles repartent avec tous leurs rendez-vous. Parce que sinon, on a des perdus de vue, des patientes qui ne se représentent jamais au bon endroit à la bonne heure, et on a une prise en charge qui n'est pas satisfaisante, d'abord pour les patientes et puis aussi pour les médecins. Comment vous expliquez en fait cette particularité locale ? Moi, je constate que les patients, quand... ils ont une difficulté à communiquer. Il y a aussi une difficulté de l'hôpital d'être accessible depuis la ville. Donc pour prendre un rendez-vous, ou alors pour contacter une secrétaire qui soit la bonne dans l'hôpital, c'est très compliqué. Il y a peu de numéros directs, il faut qu'au bout de ces numéros directs, il y ait quelqu'un qui travaille. Et les patientes elles-mêmes, elles ont parfois une barrière de la langue qui empêche de téléphoner ou de bien comprendre les informations. Il y a aussi... peu de patientes qui ont des mails. Pour les adresses postales, c'est souvent des hébergements chez d'autres personnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens de communication fiables en dehors de la discussion en temps réel avec la remise sur un papier d'un rendez-vous. Donc, il faut absolument profiter du moment où vous voyez la patiente pour organiser sa prise en charge. Ah, ce que vous avez fait là avec l'urologue. Voilà. Et là, je fais mon rapport de consultation. Normalement, j'ai une secrétaire qui m'aide pour ça, mais là, elle est en arrêt et non remplacée. C'est souvent ce type de situation ? C'est régulier. Alors, la suite de votre travail s'appuie sur l'observation de réunions de concertation pluridisciplinaire, les RCP. Et là, les conclusions auxquelles vous arrivez sont assez sidérantes. Les réunions de concertation pluridisciplinaires, ce sont des réunions qui rassemblent des médecins de différentes spécialités pour décider en concertation des traitements à donner aux patients qui se présentent. La plupart du temps, les soignants mobilisent des critères cliniques, des référentiels de traitement. Mais il arrive aussi parfois, notamment quand les décisions thérapeutiques prêtent à controverse, lorsqu'il n'y a pas un consensus au sein de l'équipe médicale et qu'il faut arbitrer, trancher en faveur d'une option ou d'une autre, il arrive que les soignants, dans ce cas, intègrent aussi des éléments relatifs au contexte du patient. Un patient qui va vivre dans un logement insalubre, ça va être compliqué de lui proposer certaines chirurgies parce que le retour à domicile va être appréhendé par les soignants. Un patient qui est isolé, par exemple, socialement, en situation de grande précarité, c'est pareil. Les chirurgies qui sont proposées en cancérologie VADS sont des chirurgies qui sont très lourdes. Hein. Et donc, quand on rentre à la maison, il faut avoir de l'aide au quotidien pour les courses, pour plein de choses. Donc l'isolement, ça peut aussi être un critère qui va faire qu'on décide de ne pas partir sur la chirurgie qui, selon les référentiels, offre le plus de chances aux patients, mais qui comporte aussi le plus de risques de complications, et peut-être de descendre d'un cran et de proposer, par exemple, une chimiothérapie qui offrira des chances un peu moins importantes aux patients sur le long terme, mais qui, sur le court terme, présentera aussi moins de risques. Donc les classes populaires subissent une perte de chance à ce moment-là. Tout à fait. Et puis aussi parce qu'il y a parfois des attitudes et des comportements des patients qui peuvent jouer un rôle dans ces décisions thérapeutiques, notamment parce que les médecins accordent de l'importance à ce que les patients soient le plus observants possible, le plus compliants possible, parce que pour eux, c'est quelque chose qui va favoriser le succès des thérapeutiques qu'ils proposent. Et donc, les patients qui ne se conforment pas à ces recommandations, ils ne sont pas très bien perçus par les soignants, et clairement, ça peut les pénaliser dans leur prise en charge. Ça va les pénaliser de quelle manière ? Le fait d'avoir un patient qui poursuit ces intoxications alcoolo-tabagiques, pour reprendre les termes qui sont utilisés en terrain hospitalier, ça peut jouer sur la décision et ça peut faire pencher la balance en faveur du fait de se dire « bon, ben, on va s'arrêter là, ce patient, finalement, il ne fait pas ce qu'il faut, c'est qu'il n'est pas motivé, et donc on va s'arrêter là, et on va passer sur une prise en charge palliative. C'est un mauvais patient. C'est un peu ça, oui, on peut se dire que... en fait, il y a une difficulté à comprendre les logiques de ces patients. Pourquoi est-ce que, alors qu'ils ont un cancer, ils continuent à boire et à fumer? Ça, c'est quelque chose que les soignants ont beaucoup de mal à comprendre. En fait, je prends l'exemple du tabac, de ce qu'ils appellent l'intoxication tabagique, parce qu'on sait que... on fume pas tous de la même manière dans l'espace social. Là, clairement, il y a les études qui montrent qu'aujourd'hui, les cadres fument moins que les ouvriers, qui fument moins que les personnes sans emploi. Il y a vraiment un gradient social dans la consommation de tabac. Et le fait qu'on ne soit pas tous égaux, c'est pas parce que les classes populaires sont moins motivées ou accordent moins d'importance à leur santé. C'est aussi clairement en lien avec leurs conditions d'existence, leurs contraintes ordinaires. Arrêter de fumer, c'est beaucoup plus facile quand on a tout un tas de ressources dans sa vie, quand on peut compenser cet arrêt du tabac par le fait d'aller, je sais pas, au restaurant, au cinéma. Moi, j'ai des enquêtés qui me disent que c'est un de mes seuls plaisirs dans la vie. Et puis là, maintenant, avec le cancer, je peux plus manger, je peux plus. Et on me demande encore en plus d'arrêter de fumer. Donc c'est un accablement supplémentaire et c'est d'autant plus difficile pour eux de modifier leur comportement, d'arrêter ces intoxications. L'informatique, c'est génial, c'est nécessaire même, mais quand ça marche pas ou quand il y a des changements, là, c'est un poids. Oui, bonjour, c'est le docteur Gojal de l'hôpital de La Fontaine. Je m'apprête à voir en consultation post-biopsie Madame Len, mais j'ai pas la napate. Vous pouvez me la passer? Gojal. Merci. Vous courez après les documents sans cesse? Ouais. Sans cesse, parce que ça dysfonctionne. C'est parce que je m'acharne à maintenir des délais entre la biopsie et le résultat post-biopsie de 7 jours. Je pourrais décider d'arrêter ça et d'attendre 10 jours, quoi. Mais pour la qualité des soins, je trouve que c'est mieux. Enfin, voilà, un engagement de 7 jours entre une biopsie et un résultat post-biopsie, c'est ce qu'on doit pouvoir offrir aux patientes, quoi. C'est très anxiogène, ce délai d'attente. Et techniquement, c'est faisable de l'avoir en 7 jours. Alors, voilà. Oui. C'est l'engagement que les anapathes ont pris avec nous. Et en général, ils le tiennent, mais c'est vrai que souvent, c'est un peu de jazz. Donc, il faut restimuler là, le compte rendu est fait, mais il n'est pas encore validé. Donc là, vous allez la voir. Donc là, j'ai l'anapathe qui va m'appeler, qui va me dire ce qu'il en est. Et après, il peut me l'envoyer par mail. Je peux faire une demande de MDPH, c'est possible? Si je peux avoir quelque chose par mois, donc je ne sais pas. Alors, pour la MDPH, donc c'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est d'obtenir une reconnaissance pour qu'on, tout simplement qu'on reconnaisse que votre maladie vous handicape. Cependant, tout ce qui va être organisme de l'État, on demande toujours les mêmes documents, à savoir la régularité de séjour. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à une allocation adulte handicapé ou une tierce indemnité. Voilà. Nous sommes à Sarcelles, dans les locaux de l'association Mandalia, qui accompagne les patients les plus vulnérables. Ce jour-là, la structure accueille des malades de l'hôpital de La Fontaine pour un atelier d'éducation thérapeutique. Cette patiente, malade d'un cancer du sein, est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Je suis rentrée en France depuis 2010. J'ai 3 enfants, oui. La première, maintenant, va avoir 12 ans au mois de décembre. Donc là, maintenant, elle est au collège. Deuxième, elle a 9 ans après... La petite dernière est 29 mois. J'ai commencé les traitements depuis octobre 2022. Donc, j'ai fait la chimio. Après, là, le 7 avril, j'ai été opérée. Là, ils viennent me faire une mastectomie totale et reconstruction immédiate. Donc, je suis suivie par Dr Gojal. Donc, ça se passe très bien. Le seul endroit, je ne sais même pas si Dr Gojal le sait que je n'ai pas de papier, mais j'ai même parlé avec les infirmières pendant la chimio. C'est le seul endroit, il n'y a pas de différence. Hein. Ils nous traitent tous pareil. Tous pareil. Là, on a même créé un groupe WhatsApp. On se parle tout le temps. On partage des expériences, tout ça. Là. Il y a ceux qui sont en chimio, ceux qui viennent d'être opérés, ceux qui sont en radio et ceux qui prennent des comprimés là. Tout ça, là. On essaie de partager des expériences, même envoyer des photos, tout ça. Donc, c'est comme ma deuxième famille. Donc, voilà. Comme moi, j'avais du mal à trouver la kiné, c'est grâce à une amie. Elle, elle l'a trouvée, elle a parlé avec la dame. Après, la dame, elle a autorisé de me donner des coordonnées. J'ai appelé, c'est juste à côté de moi, mais je n'arrivais pas à trouver grâce à ma collègue. Là, j'ai commencé les kinés. La chimio, c'était le pire. Donc, vomissement, fatigue. C'était vraiment dur, mais ça va avec l'opération. C'est ça, ça va. L'opération, c'est rien. Depuis que j'ai commencé à faire la kiné, là, ça va. Là, je marche, tout ça. C'était une grande opération. Là, j'essaie un peu de m'acheter parce que j'ai la prothèse. Je fais à manger, je fais même des ménages, tout ça. Mais je ne soulève pas, mais j'essaie un peu d'arranger tout ça, mettre de l'ordre. De ce côté-là, je n'ai pas de problème. J'ai parlé avec le docteur Benjic. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de faire une demande, des titres de séjour, donc il peut faire même une attestation. Une attestation de quoi? Parce qu'avec les cancers aussi, tu peux faire des démarches pour avoir un titre de séjour. Donc, une attestation disant que vous êtes malade? Oui, je suis suivie, tout ça là. Le souci, c'est que quand on demande un titre de séjour, on le demande pour un motif. On ne peut pas mélanger les motifs. Voilà. Après, ça ne vous empêche pas d'écrire un courrier, d'expliquer votre situation. Mais là, comme vous faisiez allusion à un certificat médical, par exemple, moi, ce que je veux vous dire, c'est de faire attention, parce que si vous venez demander pour raison le motif maladie, on va vous demander si votre pays d'origine ne permet pas l'accès aux soins par rapport à votre maladie. Dans le pays d'origine, là, pour les traitements du cancer, c'est un peu difficile. Hein. Là-bas, il n'y a même pas la chimio parce qu'ils ne connaissent pas. Au moins, il y a des rayons. Mais pour faire des rayons, ici, il y a une marche à suivre. On a commencé d'abord à faire des examens. Il y a d'autres examens, je ne savais même pas qu'ils existent. J'ai fait des mammographies, échographies, scientifiques, biopsie, tout ça là. Après, j'ai passé par la chimio. La chimio, opération maintenant, les rayons. Par contre, chez nous, il n'y a que des rayons. C'est vraiment difficile avec les traitements du cancer en Afrique. Donc, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas vraiment des appareils. Donc, non. Est-ce que vous travailliez avant la maladie? Non, je ne travaille pas. Tu ne peux pas aller travailler. Pour aller travailler, ça demande toujours des papiers. Donc, c'est un peu compliqué. Votre mari, le revenu qu'il a, il travaille, vous avez dit? Oui. Il a à peu près combien de revenus, sans indiscrétion, bien sûr? 1400 euros avec trois enfants à charge et une conjointe. Donc, il a quatre personnes à charge. Est-ce que vous avez accès à des soins de support? Non. Vous savez ce que c'est ou pas, les soins de support? Non. En fait, c'est les soins qui entourent les traitements contre le cancer. Quand je suis sortie après l'opération, il y avait des infirmiers qui passent à la maison pour faire les pansements. Mais ça, c'est des soins tout court. Mais les soins de support, par exemple, c'est la psychologie, l'ergothérapie, des choses qui peuvent vous permettre en fait de mieux tolérer le traitement. Ça pourrait vous intéresser de faire des choses comme ça? Oui, pourquoi pas, oui. Par exemple, ce que vous avez fait aujourd'hui, de parler en fait de vous, de votre vie, de votre expérience. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a fait du bien? C'est la première fois, donc ça m'a fait vraiment du bien de parler, donc ça m'a vraiment aidé beaucoup. Il y a différents ateliers. Donc vous avez tout ce qui est lié à l'accompagnement pour comment se nourrir pendant les traitements pour limiter les effets secondaires. Vous avez l'accompagnement social qu'on vient de faire. Vous avez les séances d'activité physique adaptée. Ça, ça ateliers, c'est les soins de support. C'est des ateliers qui passent à la fontaine, là? Oui. Oui, je sais, il y a des ateliers, mais moi, sauf que je ne participe pas parce qu'il ne veut pas que je ramène la petite. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des ateliers, je ne peux pas participer. Les soins de support ne sont pas des soins de confort, ce sont de véritables soins. Daniel Nizri, cancérologue, président de la Ligue nationale contre le cancer. Tels que l'activité physique adaptée, les conseils nutritionnels, le soutien psychologique, psycho-oncologique, sont des soins de support dont on connaît l'importance dans la prise en charge des personnes malades. Tout d'abord, ça améliore de façon très très importante la compliance, l'adhésion des personnes malades aux traitements qui vont être réalisés. À partir du moment où vous ne suivez pas votre programme de prise en charge, vous avez moins de chances d'aller mieux. Et puis, il a également été prouvé que ces soins de support sont de vrais soins puisqu'ils améliorent de facto les résultats de tous les traitements que l'on peut proposer. C'est donc de vrais soins et donc, normalement, puisqu'on est dans un système où tout ce qui concerne les soins en cancérologie sont pris à 100%, normalement, ces soins de support devraient être pris en charge au même titre qu'une chimiothérapie, qu'une radiothérapie, ce n'est pas le cas. Notre ambition, c'est de faire connaître aux patients l'existence de ces soins de support, de les persuader de leur intérêt et de les leur proposer, et j'insiste, gratuitement. Alors, après le cancer, après le temps des soins, vous constatez que les classes populaires souffrent davantage de séquelles physiques. Alors, dans les classes populaires, une fois que les traitements sont terminés, finalement, on est guéri et on passe à autre chose. Et ça fait un peu écho à, finalement, la difficulté qu'on a à entrer dans le cancer, où on va supporter les douleurs longtemps, avant d'aller voir le médecin, etc. Et une fois que les traitements sont terminés, ben, y a un retour à la vie normale qui se fait très rapidement. C'est une vision un peu mécaniste du corps, comme si le corps pouvait être réparé comme une machine. Tout à fait. C'est le fait aussi qu'on s'attarde pas sur les douleurs. Le fait que la douleur, ça faisait partie du quotidien avant et ça fera partie du quotidien après. Le fait aussi que souvent dans les classes populaires, le vieillissement est synonyme d'incapacité, de problèmes de santé. Comme je le disais, on a vu son père avoir un cancer, son frère avoir un cancer. On a les collègues de travail qui ont des problèmes de santé. Donc ben, finalement, on en a soi-même et c'est normal. Puis on est plus tout jeune de toute manière, parce que bon, souvent les cancers, c'est quand même, l'âge au diagnostic est quand même plutôt élevé. Donc on relativise beaucoup les choses. On a une vision très fataliste du cancer qui fait qu'on pensait être condamné. Et finalement, on s'en est sorti. Et donc, on a tendance à se vivre un peu comme miraculé. Là où dans les classes moyennes et supérieures, le discours sur l'après-cancer est très différent. On espérait un retour à la vie normale qui n'arrive pas. C'est très difficile de ne pas redevenir comme avant. Et puis, dans les classes moyennes et supérieures, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes dans l'après-cancer, c'est la peur de la récidive. Il y a beaucoup ce discours sur l'épée de Damoclès qui revient beaucoup, cette épée de Damoclès, la crainte que la maladie revienne. Là où cette peur du retour de la maladie, finalement, a été très peu évoquée par mes enquêtés de classe populaire. Quand on ne sait pas déjà de quoi demain va être fait, bon, bah, c'est encore plus difficile de se projeter sur plusieurs années après. On avait pris en charge un cancer du sein en 2019. On avait fait l'opération et la radiothérapie. Et là, on se voit une fois par an pour surveillance. Oui. Et votre dernière mammo, elle date du 23 novembre 2022 et elle était nickel. Parfait, donc je vous examine. C'était la double peine des plus pauvres. Tout va bien sinon ? Oui. Avec Laetitia Gojal, Daniel Nizri, Aurore Loretti, Laura Melloul, les patientes du service sénologie de l'hôpital de La Fontaine. Parfait. C'est tout bon. Donc on refait l'écho mammo en novembre prochain. Et je vous revois en consultation dans un an. Et ça sera la dernière fois qu'on se reverra. Après, vous ferez votre mammographie chaque année. Et puis, vous la montrerez à votre médecin traitant. S'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis, s'il y avait quelque chose, vous revenez me voir. Et on vous estimera guéri de votre cancer du sein. Documentation, Patricia Miura. Conseiller musical, Antoine Vuillose. Mixage, Manon Houssin. Prise de son, Benjamin Vignal. Attaché de production, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Pelchat. Love.